France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor à proprement dit. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Les catastrophes industrielles dans la comédie musicale, on les ramasse à l'appel. Il y avait une conférence hier à la Sorbonne sur la comédie musicale et Arnaud Cazet, directeur marketing de Stage, qui possède le théâtre Mogador à Paris, expliquait que lorsqu'il y a 10 nouvelles comédies musicales à Broadway, il n'y en a que 3 en fait qui marchent. Alors les comédies musicales qui flopent, elles ont peut-être englouti des millions de dollars, elles restent moins de 6 mois, moins de 3 mois à l'affiche, ou même ferment le soir de la première officielle, à l'heure où tombent les premières critiques négatives. Certaines même comédie musicale, eh bien ferme avant d'essayer de conquérir Broadway. Ce matin, pour la 6e saison, je vous propose une petite sélection mise à jour des plus beaux flops à Broadway et à Londres. Et premier exemple, eh bien une comédie musicale autour de deux sœurs siamoises dans un cirque. Side Show, c'est son titre, a été un flop à sa création en 1997 et un flop encore l'an dernier à sa recréation l'an dernier à Broadway, même si les deux sœurs siamoises ont beau reliées entre elles, bien sûr, elles sont siamoises sur scène, ont beau chanter qu'elles étaient deux filles tout à fait normales. At first glance, you may think we're abnormal. We may strike you as different or strange. But our moods, whether relaxed or formal, are well within everyday range. We eat with a fork, we sleep in a bed, we walk with our feet on the floor. We sit in a chair, we even bake bread like your typical girls next door. We stroll in the park, we wade in the lake, we love to go out and explore. Like your typical girls next door. We swim, we play golf, we cook, we sew, and we play a mean game of tennis, a skill we are happy to show. Daniel once again stood by his side, and miracle of miracles, walked him through the lion's den. Wonder of wonders, miracle of miracles, I was afraid that God would frown, but like he did so long ago in Jericho, God just made a wall fall down. When Moses softened Pharaoh's heart, that was a miracle. When God made the waters of the Red Sea part, that was a miracle too. But of all God's miracles, large and small, the most miraculous one of all Is that out of a worthless lump of clay? God has made a man today. Wonder of wonders, miracle of miracles, God took a tailor by the hand, turned him around, and miracle of miracles led him to the promised land. When David slew Goliath, yes, that was a miracle. When God gave us manna in the wilderness, that was a miracle too. But of all God's miracles, large and small, the most miraculous one of all is the one I thought could never be. God has given you to me. Pour qu'une comédie musicale fonctionne, il faut parfois des miracles. Miracle of Miracles, c'était un extrait du Violon sur le Toit qui revient à Broadway. Un extrait du tout nouvel enregistrement qui vient de paraître chez Broadway Records avec Adam Cantor et Danny Burstein dans le rôle du laitier. Nous parlerons dans un mois du Violon sur le Toit en compagnie de un de ses auteurs, le parolier Sheldon Harnick. Ça sera au cours d'un mois entier que je vous promets sur la 42e rue consacrée à l'actualité de la saison à Broadway. Et puis pour débuter, premier flop, Ervin Davy et Emily Paget, sœurs siamoises, héroïnes de Sideshow, la comédie musicale de Henry Krieger. 91 représentations à sa création en 1997, c'est pas beaucoup et encore moins lors de sa reprise l'année dernière. 56, plus de flops dans un instant. Le temps de vous donner rendez-vous. Rendez-vous samedi soir sur France Musique. Dans Samedi à l'Opéra, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la diffusion de l'événement comédie musicale de ce début d'année en France. C'était Passion, la comédie musicale de Stephen Sondheim, avec Nathalie Dessay, Ryan Silverman, Erika Spyrus, enregistrée par les équipes de France Musique au Théâtre du Châtelet, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la houlette de Andy Einhorn. J'ai un petit avant-goût pour vous ce matin. C'est le moment où tout bascule. Je dois dire que c'est difficile, certainement, pour le militaire, après cette déclaration d'amour de Fosca, de rester insensible. Ryan Silverman, Nathalie Dessay. I often don't know what to do with my feelings. You understand that, Giorgio, don't you? Fosca! Please! You have to face the truth. You have to give me up! Loving you is not a choice, it's who I am. Loving you is not a choice, and not much reason to rejoice, but it gives me purpose, gives me voice. I do. for me? What kind of a love is that? The truest love. Would Clara give her life for yours? Would she, Giorgio? Passion, samedi soir, à partir de 19h05 sur France Musique, dans Samedi à l'Opéra, je vous promets toute une soirée autour de Stephen Sondheim, avec notamment Fanny Ardant, et autour de la passion selon Stephen Sondheim. Alors ce matin, la 42e rue célèbre donc les comédies musicales qui se sont lamentablement ramassées, et il y en a de très très bonnes qui n'ont pas juste simplement trouvé leur public. En 1967, le plus gros flop est signé Vincente Minnelli, la première à Washington restera notamment dans les annales parce que le spectacle se termine après bien 4 heures de représentation. Le décor s'effondre. L'héroïne, une jeune actrice viennoise, est éclairée par erreur dans les coulisses, quasiment nue lors d'un changement de costume. Et lorsque son personnage, mort, gît à terre, le public rit en la voyant se gratter le nez. Il n'y aura pas de rappel pour Mata Hari. Le spectacle est annulé par son producteur David Merrick. La partition d'Edward Thomas et les paroles de Martine Charnin sont pourtant intéressante, réussie. En voici un extrait, une chanson interprétée par l'héroïne Mata Hari, intitulée « Chacun a quelque chose à cacher ». This musty cheap hotel would fill the bill quite well, were this a moment doomed to disappear. For us to make a little fuss, and so not now, not here. Those cloudy window panes have felt a million rains, and no one's taken time to wipe them clear. But I want you to see the dawn as well as me, and so not now, chérie, not here. You should feel silk next to your skin. The feel of silk is how our evening should begin. A cigarette within your reach, a dry champagne, perhaps a peach. I beg of you to wait until I can create a most improper, proper atmosphere. For I want this to be your favorite memory, and so not now, not here. Oh no, not now, not here. Tonight, rue Balzac, there will be silk, there will be wine. Alors c'est toujours délicat de raconter l'histoire contemporaine en comédie musicale parce que le genre est considéré comme un pur divertissement. C'est délicat de raconter l'histoire d'une espionne et c'est délicat aussi de raconter la France sous l'occupation. C'était pourtant l'ambition du compositeur Jerry Herman, l'auteur de Hello Dolly en 1979 avec The Grand Tour qui ouvre au Palace le 11 janvier, énorme théâtre en plein Times Square, là où se joue actuellement Un Américain à Paris, et qui ferme au bout de 2 mois. The Grand Tour, c'est l'histoire bouleversante d'un juif polonais qui fuit son pays et arrive en France, occupé avec sa petite valise, pour gagner l'Angleterre, poursuivi par un colonel polonais. Le livret est inspiré de la pièce de 1944, Jakubowski et le colonel. Mais voilà, la critique trouve que le spectacle ressemble un peu trop à un violon sur le toit, sous l'occupation. C'est Joël Grey, le maître de cérémonie de cabaret, qui incarnait le juif polonais. Voici une chanson romantique typique du compositeur Jerry Herman, lorsque le polonais tombe amoureux d'une française aubergiste et rêve de l'épouser. see that lovely lady in the living room, lighting up the evening with her youthful bloom. By her graceful presence you may well presume that's Mrs. S.L. Jakubowski. I'll read her my Spinoza and my Baudelaire. I'll walk her through the Tuileries to get some air. Everything I used to do alone I'll share with Mrs. S.L. Jakubowski. We'll artfully combine her old world with mine, and we'll hang a crucifix in one room, a mezuzah in the sunroom. If Reba Jakubowski could look down and see this miracle of miracles that's come to me, she'd gladly have a shiksa in the family. A girl who'll bring such magic to my life. I'll go to Mass and I'll respect her wishes, and she'll start using separate dishes when Mrs. Jakubowski is my wife. Though other wives may never get their housework done, though other wives may bake a tart that weighs a ton, with her the possibilities are only one. A perfect Mrs. Jakubowski, I will not question why I am blinded by one sweet smile that hardly needs correction. How can you correct perfection? And when it's almost over and I'm gray and bent, trying to remember where the years all went, trying to recall how much each moment meant, and looking for the meaning of my life. Though not a soul remembers what my name is, my one lasting claim to fame is Mrs. Jakubowski was my wife. Miss Jakubowski par Joël Grey dans The Grand Tour en 1979. Trois ans plus tard, Jeremy Herman renouera avec le succès, ça sera avec La Cage aux Folles. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. On peut être le plus grand compositeur du monde et subir un échec à Broadway. Prenez George Gershwin, à 23 ans, il réussit à placer des chansons pour des revues. Mais en 1921, son tout premier spectacle, dont il écrit toutes les chansons, est un flop. A Dangerous Maid raconte l'histoire d'une ancienne danseuse de revue qui tombe amoureuse d'un garçon de bonne famille, mais évidemment la famille de la jeune fille n'en veut pas et essaie de casser le mariage. Le spectacle est créé à Atlantic City, il s'arrêtera un mois plus tard. C'est un des seuls spectacles de Gershwin jamais monté à Broadway, avec un livret réputé perdu, mais pas les chansons. I've just finished writing an advertisement calling for a boy. No half-hearted Romeo or flirt is meant. That's the kind I'd not employ. Though anybody interested can apply, he must know a thing or to qualify. For instance, he must be able to dance. He must make life a romance. I said a boy wanted one who can smile. Boy wanted lovable style. He must know how to say yes when I look at a new dress. Oh, I'll be ready when the right one calls, and I'll start vamping him until he falls. Yes, if he proves to be the right way. Like musical shows, and he must wear snappy clothes. Yes, that is my story, and to it I'll stick. No glory in having a hick. Such a saint, but oh, he dasn't say ain't. I don't care if his bankroll totals naught, for we can live on love and food for thought. If he's a scholar, puisqu'on en est au flop des grands compositeurs après Gershwin, voici Andrew Lloyd Webber, le compositeur du Fantôme de l'Opéra et de Cats, que vous pouvez voir actuellement à Paris et à Mogador. En 1975, le compositeur a conquis Londres et New York avec Jésus-Christ Superstar. Alors maintenant, il décide d'adapter un roman humoristique de P.G. Wodehouse, des romans autour d'un majordome dénommé Reginald Jeeves, au service de son maître Bertie, qu'il sauve régulièrement de menus dangers. La comédie musicale By Jeeves se déroule dans les années 20 et la musique plonge dans l'époque avec banjo, trompette et autres saxophones. Il ouvre le 22 avril 1975 à Londres et Andrew Lloyd Webber surnommera ce flop un dindon disproportionné. Le compositeur va enterrer l'album qui est aujourd'hui difficile à trouver mais recyclera des moments de chansons. Par exemple, écoutez cet enregistrement original de 1975 qui gratte un peu, une chanson magnifique intitulée Half a Moment. Eh bien, Andrew Lloyd Webber réutilisera une phrase mélodique du tout début de la chanson quelques années plus tard dans son Sunset Boulevard. Time, they say, is relative, infinite as space. This could be eternity, neither time nor place. Half a moment we are together. I shall want no one else and nothing new. Half a moment I shall treasure. Keep it locked away for some future rainy day. Should you leave me with just this moment? In my mind I shall capture it anew, like some picture taken in my childhood. Half a moment spent. I saw no one from that moment. An impulsive lover's act. Not a chair was left intact. That occasion when first I held you, made you mine, heart and soul. And black and blue. Man's a creature filled with sudden passion. In her fashion, woman too. Countless vivid memories spin before my view. Like some toy kaleidoscope, images of you. On explore les flops, les comédies musicales qui ont fait flop à Broadway et à Londres ce matin sur la 42e rue de France Musique. Et après les flops de Andrew Lloyd Webber ou de Georges Gershwin, voici un Français, Charles Aznavour. Oh, c'était quand même une bonne idée en l'an 2000 qu'une comédie musicale sur le peintre Toulouse-Lautrec. Ça sera sa seule expérience de comédie musicale à l'américaine, dans la tradition, comme il dit, centrée sur un seul personnage. Une comédie musicale intitulée Lautrec, créée le 6 avril 2000 à Londres au Shaftesbury Theatre et qui ferme deux mois plus tard. Le label britannique Stage Records vient d'éditer un album intitulé Lost West End. En fait, c'est un florilège de comédies musicales éphémères à Londres. Et on y trouve un extrait de Lautrec, interprété par Mary Carew, The Souvenirs of Second Best. Souvenirs of second best. Hasty embraces in the dark. Momentary music of a lark flies like a feeling from my breast. The souvenirs of second best. The quick come on, the get 'em off. A bed as grating as a cough. Where games are cursed more than they're blessed. Some throw their pants across the floor. Some neatly fold their shirts and ties. I've had as many men and more as I've had quality and size. Love true. I'm not impressed. I found it's wiser not to fall. I'm better off not to recall the souvenirs of second best. I'm better off not to recall the souvenirs of second best. Souvenirs of second best. The stupid stories we invent for little men whose cash is spent when they are lonely or depressed. The souvenirs of second best. The I love yous we have to say. The grandpapa who's on his way soon as he's left me his bequest. Young boys with pimples and complexes like embarrassed eager pups. The macho men all fire and sex and the old perverts we mother. Yes, I have seen more men undressed than any general seen more. But what's the point existing more the souvenirs of second best. What is the point existing for the souvenirs of second best? The souvenirs of second best. Champagne, that's only fizzy wine, and it's our livers on the line for every franc that they invest. The souvenirs of second best. Evenings of faked erotic moods for jokers loud and drunk and crude who pay like kings for each caress. At 16 I was so naive, I'd find a perfect love one day. My man for life, who I believed would come and carry me away. After 3 months he flew the nest. Grey has replaced the gold I lost, leaving me counting to my cost the souvenirs of second best. Leaving me counting to my cost the souvenirs of second best. Nouveau flop, nouveau bijou, voici maintenant The Golden Apple. C'était l'adaptation en 1954, audacieuse, de l'Iliade et l'Odyssée de Homère en comédie musicale. Un spectacle qui ouvre à Broadway face à The Pajama Game et Peter Pan et qui va s'arrêter au bout de 6 mois. Les auteurs, Jérôme Moroz et John Latouche, avaient modernisé l'histoire de Ulysse. On était au début du XXe siècle, peu après la guerre hispano-américaine dans l'état de Washington, une petite ville, Angel Roost, près du mot Olympe. Alors Ulysse était un soldat qui rentrait de la guerre, Hélène une fermière qui a épousé un vieux shérif dénommé Ménélas, et Paris un marchand de vêtements féminins qui vient d'arriver en Mogolfière et gagne le cœur d'Hélène. Le spectacle était entièrement chanté. À Broadway, il aura du mal à lutter avec la concurrence. Reste une magnifique partition qui vient d'être intégralement réenregistrée et qui paraît chez PS Classics. Vérifiez par exemple avec cette pépite intitulée Lazy Afternoon, interprétée ici par la belle Hélène, Daniel Estes. Thank you. except for daisies running riot, and there's no one passing by it to see. Come spend this lazy Parfois, la présence d'une star ne permet pas à une comédie musicale de trouver son public. Prenez par exemple Maureen O'Hara, qui nous a quittés il y a quelques mois. Elle a joué au cinéma sous la direction de John Ford, Walter Lang, Nicholas Ray. Dans les années 60, elle s'était tournée vers Broadway. Sammy Fain avait écrit la musique, Pearl Buck le livret. La pièce, intitulée Christine, surfait sur le succès du Roi et moi. Maureen O'Hara incarnait une jeune Britannique partie en Inde, qui découvre que sa fille, mariée à un médecin, est décédée durant un accouchement. Elle est effondrée, furieuse contre ce pays, mais se rapproche de plus en plus du mari de sa fille, par exemple au cours de ce duo. My heart's in the right place, at least so they say. It's always been there from the start. As day follows day, follows day, follows day, be patient, I say to my heart. Long have I waited for love to appear. Can't help wishful thinking whenever I hear. Bells, bells, they're always ringing out, telling of weddings to be. The girls who have tarried too seldom get married. Oh, don't let this happen to me. Time, time, time flies so swiftly, as swift as a dragon flies wings. The autumn leaves scurry and whisper, please hurry. There may not be many more springs. How long? Talent lyrique de Maureen O'Hara, Room in My Heart, extrait de la comédie musicale Christine, c'était en 1960. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Parfois, les metteurs en scène les plus talentueux n'ont pas non plus le nez creux ou compliquent trop les choses. Prenez par exemple Harold Prince, on lui doit Cabaret, on lui doit les grandes comédies musicales de Stephen Sondheim, on lui doit Le Fantôme de l'Opéra, Evita. C'est un metteur en scène audacieux qui refuse de céder au pur divertissement. Tous ces spectacles ont une signification, sont de véritables pièces de théâtre. Et puis, il a connu des échecs faramineux. En 82, A Doll's Life, avec des auteurs de livrets très connus, Betty Comden, Adolph Green, ils ont écrit Chantons sous la pluie, une musique signée Larry Grossman, et un spectacle inspiré d'un roman de Henrik Ibsen. Une héroïne qui claque la porte après 8 ans de mariage, et une comédie musicale qui raconte son odyssée romantique afin de se trouver, de se réaliser dans un monde difficile en 1879, au milieu de la pauvreté. Alors, les rares spectateurs qui verront le spectacle diront qu'ils n'ont pas tout compris à l'histoire, qu'elle était trop abstraite. En tout cas, la partition était là encore magnifique. Voici un duo entre la jeune femme et un compositeur dont elle s'entiche, mais qu'elle finit par quitter. Peter Gallagher, Patsy Jocelyn. To you, Miss Nansen. Nora. And to you, Mr. Burnick. Otto. To the herring. To the cheese. To the reindeer. To the drink. To my room. I decorated it myself. Stay here with me, Nora. There's so much talking still to do. We'll share our fancies and our fears as equal partners in life. Always happily aware we're a man and a woman too. I want to brush the clouds of sadness from your face and teach your troubled eyes to shine. Stay with me, Nora. I promise you, Nora, you can stay yourself if you'll only stay and be mine. He knows what I'm feeling. I feel I could help him. He's young, sensitive, and unsure. He's a different kind of man than those I have known. An artist living for art alone. Sadness from your face and teach your troubled eyes to shine. Stay with me, Nora. Can this be the answer? I promise you, Nora. Can this be the answer? You can stay yourself. Should I stay? If you'll only stay and be mine. On passe la 42e rue ce matin à écouter des flops de Broadway. Je peux vous dire qu'il y en a encore aujourd'hui. L'année dernière, par exemple, le plus grand échec, l'adaptation vraiment la plus ratée, c'était celle de Docteur Jivago en comédie musicale. Un spectacle qui ouvre le 21 avril 2015 et ferme au bout de 23 représentations. Il faut dire que le spectacle n'était pas prêt. L'actrice principale qui jouait Lara était assez ridicule sur scène. Et la mise en scène faisait penser à tout, sauf nous plonger dans les neiges de la Russie. Reste un moment plutôt réussi avec le vilain de l'histoire, Pacha, l'étudiant transformé en général bolchevique qui cherche à se venger. Une chanson intitulée No Mercy at All. Men of your kind, traitors like you, talk about mercy, but what did you do when the power was yours? Did you protest, or did you just close your eyes like the rest? Well, the tables have turned, I'm in command. Doctors and lawyers and poets be damned, all you privileged men, pompous and wise, puffing cigars on a mountain of lies. But the truth cries out to be told, for a new world, everything old has to fall. No mercy at all. Justice is dead, life isn't fair. Your brand of justice brought only despair to an innocent girl, victim of lust, used for amusement, then tossed in the dust. And there is no justice for swine, till your whole class dies in a line at the wall. No mercy at all. How many nights have I dreamed of this day, aching to even the score? Men of your kind gave her chocolates and brandy, but I gave her a war. All I have to do is aim the gun. All I have to say is win. Purge you one by one, and when I am done, Russia will be pure again. Mercy you plead, mercy you get. I'll be here waiting and watching you sweat like a rat in a cage, cringing in dread, cornered like me when the gutter ran red, and the steel blades tore through our skin as the Tsar's guard bellowed its infamous call. Now reap what you sow. No mercy. Paul Alexander Nolan, No Mercy at All, c'était dans Docteur Jivago, la comédie musicale. L'album est paru chez Broadway Records et sur la page de 42e rue sur France Musique, on vous a mis toutes les références des disques diffusés ce matin. Et nous bouclons aujourd'hui notre concours qui a permis, qui va permettre à 32 auditeurs de 42e rue de partir à Londres assister à une comédie musicale. Parce que voilà, France Musique, 42e rue, en association avec nos partenaires, la Société des Théâtres de Londres et Eurostar, vous ont invité à Londres. Chaque semaine, on vous a offert deux voyages pour deux personnes. Et la semaine dernière, nous vous proposions de partir pour assister à Charlie et la chocolaterie avant son transfert à Broadway. Alors, il fallait répondre à des questions. Les deux questions suivantes, quel était l'autre livre de Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie, adapté en comédie musicale, qui est actuellement à l'affiche à Londres et à Broadway? Eh bien, il s'agit de Matilda. Quant à l'acteur qui a créé à Londres le rôle de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, il s'agit de Douglas Hodge. Vous avez été encore une fois très nombreux à participer à ce concours, à nous écrire. On a dû tirer au sort. Voici le nom des deux gagnants de la semaine. Bravo à Denis Buy à Paris et bravo à Émilie Potard à Mignalou, Beauvoir. Voilà, vous pouvez vous aussi préparer votre sac pour le 28 mai. Bravo à tous et merci à vous tous qui avez participé nombreux à ce jeu. I was a stranger in the city, out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity, what to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue, but as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low, had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wonder, kissing last. But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there, and through foggy London town, the sun was shining everywhere. L'actualité des comédies musicales en France, à Paris précisément, c'est demain au 20e théâtre un concert qui va célébrer les voix françaises des grands dessins animés de Walt Disney, un concert organisé par Rémi Caramel. Et vous retrouverez sur scène notamment la voix du merveilleux Jacques Siron. C'était la voix du Chapelier dans Alice au Pays des Merveilles. Il y aura également Michel Elias, la voix de Pumba dans Le Roi Lion. Ou Bénédicte Lécroard, qui est la voix de Belle dans La Belle et la Bête. C'est demain au 20e théâtre. L'autre actualité, c'est la nouvelle comédie musicale du Théâtre du Châtelet. Alors surprise, c'est une version revisitée de Carmen, l'opéra de Bizet, par Christopher Renshaw, dont on se rappelle qu'il y a quelques années, il avait adapté à Paris Zorro en comédie musicale sur la musique des Gypsy Kings. Pour Carmen, il conserve la musique, les airs de Bizet, mais comme l'histoire est déplacée à Cuba avant la Révolution, la musique est complètement réorchestrée avec des instruments typiques, conga, percussions, guitare cubaine. Les dialogues, les paroles en espagnol sont entièrement revisitées de façon assez crue, l'histoire simplifiée, dramatisée avec une sorcière vaudou, et le metteur en scène a rajouté ce qu'il faut de danse, de grands numéros de cabaret et saisissant match de boxe. C'est une vraie comédie musicale, pas forcément la plus fine que nous ait offert le Théâtre du Châtelet, mais avec une musique qui mérite le détour. Écoutez, par exemple. Hay un barcito en la esquina, su dueño es Lilo Prato, y allí va la gente a reír y cantar sin descanso. Toda la noche bailando. ¿Cómo podría ir? ¿Para qué me iría allí? Si lo que busco es un amor, alguien que me pueda endulzar. Uno tenía y lo olvidado, nada del recuerdo ya. Ahora que puedo a mi aire cantar, ¿quién me querría llevar al bar? Muchos a mí me han llamado, los tendría a mis pies, pero yo quiero a alguien distinto, solo por él esperaré. Vendrá muy pronto, será sincero, tendrá tus ojos, no serás tú. Dime que sí, que eres mi chico, dime que sí y abrázame. Justo a las 10 en la esquina, en el bar del Hilo Bravo, yo seré tuya esta noche y será para siempre. Basta ya, o voy a enloquecer. Pues yo no sé por qué, si canto para mí, yo canto para mí. Pues no hay cárcel que a mí me pueda hacer callar. Yo canto para seducir a quien mira dentro de mí. Un joven enamorado y deslumbrado que no se resistirá. Ya voy a llegar esta noche. sabes que no puedo hacer eso. Sabes bien lo que me costaría. Pero dime si te librara. De verdad tú me amarás. Júramelo, Carmen. Sí. Aquí te espero. Y ahí a las 10 yo en el mar hoy te espero. Me haces caer. Y a las 10 en la esquina tú me tendrás en tus brazos. Y te haré reír y bailar hasta que amanezca más. Lina Manzanares à découvrir dans Carmen la Cubana, une vraie comédie musicale d'après Carmen de Bizet au Théâtre du Châtelet, avec des arrangements d'Alex Lacamoire, dont on parle beaucoup à Broadway parce qu'on lui doit les arrangements notamment d'une comédie musicale qui fait fureur et qui s'appelle Hamilton. Carmen la Cubana, c'est jusqu'au 30 avril, plus d'informations. Eh bien, et puis aussi le podcast, tout ça c'est sur la page de 42e rue sur francemusique.fr où vous retrouverez les infos sur notre prochain concert privé. Ça sera dimanche 15 mai avec le comédien et chanteur Vincent Eden. Et puis les commentaires, bien sûr, c'est sur la page Facebook de 42e rue et sur Twitter. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Julien Calvas, Annick Champagne, Timo Gouffier et Fabien Flora, on vous souhaite un très bon dimanche.